une nuit en mal dehors, bien trop de nuits de veille. Aux heures où la cité dort, l'insomnie et l'ennui viennent visiter toutes mes nuits. Tant de nuits sans dormir, penché à la fenêtre, je regarde s'enfuir de jolis jours de fête. Miraculeux matin, chaque jour.